The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Chauvinistic. Chauvin. To refute. Réfuter. Lumière Brothers. Les frères Lumière. Cinematography. Le septième art. Moving image. L'image animée. Cinématographe. Le cinématographe. Critical. Crucial. Dawn. L'avènement. Patent. Le brevet. To shoot. Tourner. Screening. La projection. Dazzling. Fulgurant. Sensational success. Le succès retentissant. Young and old alike. Petits et grands. Now, a bit faster. Cinematography. Le septième art. Cinématographe. Le cinématographe. Chauvinistic. Chauvin. Moving image. L'image animée. Cinematography. Le septième art. Dawn. L'avènement. Lumière Brothers. Les frères Lumière. Young and old alike. Petits et grands. To refute. Réfuter. Dawn. L'avènement. To shoot. Tourner. Dazzling. Fulgurant. To refute. Réfuter. Cinematography. Le septième art. Screening. La projection. Young and old alike. Petits et grands. Patent. Le brevet. Dazzling. Fulgurant. Patent. Le brevet. Critical. Crucial. To shoot. Tourner. Lumière Brothers. Les frères Lumière. Patent. Le brevet. Dazzling. Fulgurant. Cinématographe. Le cinématographe. Chauvinistic. Chauvin. Screening. La projection. Cinématographe. Le cinématographe. Chauvinistic. Chauvin. Now, use the words in context. Chauvin. In times of war, some people tend to be more patriotic than usual. En temps de guerre, certaines personnes ont tendance à se montrer bien plus chauvines qu'à l'accoutumée. Le septième art. According to Hegel's classification, the six arts are architecture, sculpture, painting, music, dance, and poetry. Cinema is considered the seventh art. Selon le classement d'Hegel, les six arts sont l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse et la poésie. Le cinéma est considéré comme étant le septième art. Réfuter. These scientists think they have made a discovery that will allow us to disprove the theory of evolution. Ces scientifiques pensent avoir fait une découverte qui permettrait de réfuter la théorie de l'évolution. Crucial. What's at stake in this match is crucial for this team. Indeed, if it wins this match, this team will make it to the quarterfinals.